Bonjour à tous et bienvenue pour déjà le 9e podcast Bullrap.com spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, on va revenir bien évidemment sur l'énorme victoire 3-1 du Brésil face à la Côte d'Ivoire. Ce sera le principal sujet de ce podcast et nous terminerons bien évidemment par un concours de pronostics. Comme tous les jours dans les podcasts Bullrap, alors aujourd'hui c'est Eugène Zamorano qui est avec nous. Salut Eugène. Bonjour Albertine, oui, bien sûr, merci de me recevoir sur les podcasts de footballright.com. Donc Eugène Zamorano, oui, c'est bien moi. Donc évidemment, beaucoup de gens savent que c'est un pseudo et j'espère que assez rapidement on pourra tomber le masque, mais pour l'instant, c'est encore Eugène Zamorano. Et Baptiste comme d'habitude, il est avec nous. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Eugène, salut à tous. Bonjour. Alors, Baptiste. On va revenir sur la victoire donc de la Seleção face aux éléphants de Côte d'Ivoire. 3-1, donc une victoire sans contestation possible pour le Brésil, malgré quelques petites fautes d'arbitrage qu'on pourra signaler. Mais un Brésil qui a quand même assez étonné hier, quand on se souvient de leur première prestation face à la Corée. Et un système de Dunga qui a l'air assez bien préparé, surtout face aux grandes équipes. Baptiste, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe brésilienne ? Différente de ce qu'on attend normalement du Brésil, avec un jeu plutôt festif. Là, on savait que ça ne serait pas le cas cette année. Une équipe qui joue, ils l'ont dit hier, hein, comme les équipes d'Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'elles endorment l'adversaire et elles accélèrent d'un coup. Et on a vu ce que ça faisait, donc 3-0, 3-1 plutôt, mais en tout cas une grosse correction. Alors moi si je peux revenir un petit peu dessus, c'est sûr que hier j'attendais ce match avec impatience, je pense comme beaucoup de monde, parce qu'on avait vu un Brésil un peu timoré au premier match et je crois que tous les gens qui aiment le foot étaient un peu inquiets parce que déjà qu'il y a des équipes que je ne citerai pas qui sont extrêmement décevantes, mais si en plus le Brésil s'était mis à décevoir, réellement ça aurait été dur. Et vraiment hier, même si j'aime beaucoup cette équipe de Côte d'Ivoire, ça a été quand même une vraie satisfaction de voir que le Brésil va être là vraiment présent et rentrer enfin dans sa Coupe du Monde, quoi. Et au niveau des éléphants, donc c'est quand même un peu décevant parce qu'on sait que c'était une équipe en qui beaucoup d'espoirs sont placés et qui plaît beaucoup en France notamment. Alors, on voit qu'en deuxième période, Eriksen a décidé de faire entrer Gervinho et donc de fonctionner un peu avec deux pointes, c'est-à-dire Drogba, Gervinho. On l'avait dit dans le podcast hier et on était sûr que ce serait quelque chose qui pourrait fonctionner dans cette équipe et ça a fonctionné. Est-ce que vous pensez que Eriksen doit faire la même chose face à la Corée du Nord ? Je sais pas parce que on n'a pas vraiment vu le jeu de la Côte d'Ivoire. On l'a vu pendant 10 minutes au début où ils prenaient les espaces et où ils arrivaient à faire mal au Brésil au milieu, mais c'était pas concret devant. Il n'y a pas eu d'action vraiment tranchante. La seule action, c'est là où il y a but et il y en a une juste avant où il y a un centre devant le goal. Maintenant, c'est pas concret, je trouve, l'attaque de la Côte d'Ivoire. Contre la Corée du Nord, ça sera autre chose parce que ça sera pas le même milieu déjà et pas le même match, parce que là il y avait aussi le fait que c'était un choc, c'était le choc, le deuxième choc de ce groupe, et après il y aura Portugal-Brésil. Mais la Côte d'Ivoire garde des chances, et d'avoir mis ce petit but, c'est peut-être ce qui fait qu'il y a encore une petite chance, même infime, pour la Côte d'Ivoire de passer en huitième. Alors moi personnellement j'avoue que j'ai été déçu par l'équipe ivoirienne hier, parce que même si le Brésil a montré des vraies choses et a donc placé le niveau assez haut, j'ai trouvé que d'une, Gervinho n'était pas titulaire, ce qui a été une erreur pour moi dès le départ, et de deux, que les Ivoiriens n'ont pas tout donné, à l'image de Drogba qui est quand même considérablement diminué, c'est assez évident quand on le voit. Ensuite, je suis pas comme Baptiste, je crois que vraiment là je pense que c'est terminé pour les Ivoiriens. Je vois pas comment le Portugal ne pourrait pas battre la Corée et comment le Portugal ne pourrait pas faire au moins un match nul contre le Brésil qui sera déjà qualifié. Donc je pense que malheureusement c'est fini. À la limite, peut-être qu'ils peuvent plus s'en vouloir sur le premier match contre le Portugal, où il y avait peut-être la place d'aller chercher les 3 points. Hier, ils étaient dépassés, ils n'ont pas su réagir, ils sont tombés face à bien plus fort qu'eux et ils ont rien pu faire. Alors le Brésil a quand même, oui, comme je le disais déjà, étonné hier quand on se souvient de leur première prestation. Quel joueur vous a assez impressionné, parce qu'on sait qu'on avait été déçus par Kaká qui a un peu relevé le niveau hier, notamment en deuxième mi-temps, malgré tout il sort expulsé au moment où il allait beaucoup mieux. Luis Soriano qui reprend un peu confiance, mais quel joueur vous a vraiment marqué ? C'est pas vraiment. Moi je dirais que celui qui a été pour moi assez bon dans les bonnes phases, c'était Ilano. Mais après, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de grands joueurs qui se démarquent forcément. Juan derrière est important, mais encore une fois, la défense du Brésil n'est pas extra. Et du côté ivoirien, je trouve que c'est assez égal dans tous les niveaux. Et Drogba n'a pas été sensationnel. Il fallait s'y attendre. Gervinho est quand même celui qui, à chaque fois, retient l'attention parce que c'est lui qui amène, qui fait que son équipe va vers l'avant dès qu'il rentre en jeu. C'est vraiment le joker qui devrait être sur le terrain titulaire et pas sur le banc à chaque fois. Moi, je suis juste sur la Côte d'Ivoire. Je suis un peu déçu par Drogba, mais c'est pas de sa faute. On jouait avec un plâtre, à mon avis, au niveau équilibre, etc. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Gervinho est pas mal. Dindane, j'ai trouvé très mauvais. Et Kader Keita, j'en parle pas. Côté brésilien, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi, Baptiste. Je trouve que cette défense est vraiment extraordinairement rassurante. Et je pense que c'est grâce à ça que justement, devant, avec des joueurs en forme moyenne comme Kaka, etc., ils arrivent à produire et à marquer des buts, parce que ça fait quand même 5 buts en 2 matchs. Luis Fabiano s'est réveillé, même si le but est un peu litigieux, c'est quand même une très belle action. Le deuxième but, je parle. Et puis, non, voilà, vraiment, si je devais retenir, ce serait pas le nom d'un joueur, mais ces quatre défenseurs que sont Bastos, Juan, Lucio, Maicon. Pour moi, font très très bonne figure et permettent au Brésil justement de souffler avec Gilberto Silva juste devant qui fait un super travail. Alors, notamment dans l'équipe, Luis Fabiano a la meilleure note du Brésil avec un 7 et la moins bonne note est pour Felipe Melo avec un 4. Et au niveau Côte d'Ivoire, Drogba a cette fois-ci la meilleure note avec un 6. Vous trouvez que c'est mérité? Par contre, Tiene a un méchant 2. Et Kaka, il a combien? Kaka a 6. Robinho 5, Julio César 6, Maicon 6, Lucio 6. On n'est pas toujours d'accord avec ce que dit l'équipe, hein, mais Drogba, il en impose juste en étant là sur le terrain. Tu sens que déjà, juste par sa présence, il fait que c'est plus dur de défendre sur lui que sur Aruna Dindane, par exemple. Donc oui, il est toujours important, et puis il est important dans la forme de son équipe. Hier, il n'a pas été trop en vue, mais en même temps, les 15 premières minutes, ses coéquipiers ont bien joué le jeu, franchement, en prenant des espaces, etc. C'était plaisant parce qu'en plus, le Brésil était mis en difficulté, était obligé de faire des fautes. Ça s'est complètement retourné. Le Brésil a ouvert le score. On sent que les Ivoiriens ont un peu accusé le coup, pardon. Et ensuite, ça a été plutôt le Brésil qui a déroulé. Et en face, les Ivoiriens qui ont commencé à un peu péter les câbles. Hein, Kader Keïta, à mon avis, il va se faire reprendre et est à l'image de ces Ivoiriens qui jouent un autre football à la fin du match et qui jouent le football qu'on n'aime pas trop voir. Kolo Touré était aussi à deux doigts de péter un câble comme Yaya Touré. Enfin, c'était vraiment, vraiment étrange vers la fin. Maintenant, Drogba, 6, moi je trouve ça pas étonnant, surtout que la tête qu'il met, le déplacement qu'il fait, etc., est assez impressionnant. Et c'est là que je dis que la défense brésilienne n'est pas bonne parce que sur le déplacement, aucun Brésilien ne vient l'embêter. Il n'est pas pris. Alors que Je suis d'accord. En fait, je pense que la défense brésilienne se déconcentre en fin de match. Mais c'est dans des circonstances à chaque fois où le match est gagné. Et c'est vrai que ça se vérifie puisque contre la Corée, ils prennent un but un peu pareil avec personne qui va dessus. Pour revenir moi sur la note de Drogba, bah, 6, je pense que c'est pour le but parce que s'il marque pas ce but, il pouvait avoir aussi bien 4. Comme l'a dit Baptiste, je suis pas de toute façon toujours d'accord avec les notes de l'équipe. Je pense que Kaka 6, c'est pour les deux passes décisives. Ce qui est intéressant dans sa performance, c'est que on sent qu'il y a quand même un vrai mieux par rapport au premier match, mais il y a encore une grosse, grosse marge de progression. Et juste pour en revenir sur la Côte d'Ivoire, vraiment, je crois qu'ils se sont trompés de match, c'est-à-dire qu'ils ont un match nul aurait été un bon résultat, une victoire encore mieux, une défaite un très mauvais. Et je pense que dans un match comme ça, il faut choisir ce qu'on veut dès le départ, quitte à s'adapter. Mais ils sont arrivés en sachant pas s'il fallait attaquer, défendre, etc. Et je crois qu'il faut surtout pas faire ça contre les grosses équipes et particulièrement contre le Brésil. Et ça s'est vérifié, quoi. Et est-ce que pour vous, Dunga, avec notamment l'équipe qu'il a titularisée hier, peut faire très très mal aux autres grosses équipes? Enfin, s'il a trouvé la tactique de Il a, mettre il a, quelqu'un dit, il a placable. été décrié, on disait qu'il jouait trop défensif, mais en fait ça part de là quand t'es contre des grosses machines, comme l'Espagne. Si t'es bon derrière, on l'a vu avec la Suisse, La Suisse a eu en plus la chance vraiment derrière. Si tu bloques derrière et qu'après tu joues comme le Brésil jouait à la fin, où ça a vraiment commencé à jouer avec des séries de passes, etc. On retrouvait un peu le Brésil qu'on aime regarder. Si ça joue comme ça pour les prochains matchs, le Brésil aura aucun problème pour aller au bout. C'est sûr. Et vu le niveau en ce moment, ça c'est... Ils sont au-dessus du lot. Ils sont au-dessus du lot. On va voir comment ils vont se comporter contre le Portugal en sachant qu'ils seront qualifiés, mais c'est vrai que autant contre la Corée, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu inquiétant. Maintenant, ce que je disais aussi lors du premier match, c'est qu'il faut voir la Corée un peu contre d'autres équipes, parce que cette équipe a l'air quand même d'être très très en jambes et d'avoir une tactique qui peut poser beaucoup de problèmes. Donc juger le Brésil sur ce premier match, c'était un petit peu prématuré. Sur celui d'hier, même si la Côte d'Ivoire passe un peu à côté, c'est vrai que c'est impressionnant de solidité, d'efficacité, et il faudra une grosse, grosse équipe, une grosse performance collective pour éliminer le Brésil, en tout cas pour l'empêcher d'aller loin, ça c'est certain. De toute façon, dès qu'ils marquent, tu sens vraiment qu'ils sont libérés. Parce qu'au début, ils ont eu du mal, mais après le premier but, ils étaient libérés, ils ont commencé vraiment à jouer leur jeu, et tu sens que bah, c'est une vraie équipe, c'est pas ce qui se passe en équipe de France, où on peut pas se piffrer les uns les autres, ce qui se passe en Allemagne aussi. Là, ça, on s'aime bien, on joue les uns pour les autres, on a envie de faire briller Kaka, ça s'est ressenti, on a envie de le mettre dans de bonnes conditions, et on veut que chacun soit au meilleur niveau, et on fait ce qu'il faut pour que ça soit le cas. C'est bien ce que tu dis, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont envie de faire jouer Kaka, et je pense que c'est très intelligent, parce que si Kaka revient pas encore mieux qu'il n'est là, ça sera quand même problématique, c'est-à-dire que autant Luis Fabiano a fait un bon match hier, autant Robinho est pas mal, mais c'est vrai que s'il tombe sur une vraie grosse défense, ça sera quand même compliqué si Kaka est pas au top. Et je pense qu'ils en sont tous conscients et c'est très bien le fait de le faire jouer pour que justement il monte en régime. C'est pour ça qu'on en vient à ce fameux carton rouge qui est un peu dommage parce que évidemment on l'a tous vu, il y a strictement rien. Pour le coup, c'est Kader Keïta qui va en prendre plein la gueule, hein. C'est pas Kaka. Pour le coup, ouais, c'est dommage qu'il perde un match. Voilà, oui, ça c'est sûr. Et sur ce point de vue-là, même si la FIFA, je pense pas, mais il faudra qu'elle examine aujourd'hui, par exemple, le carton rouge, bah, elle pourra au pire suspendre Kader Keïta, mais à mon avis, elle n'enlèvera pas la suspension de Kaka parce que bon, c'est un fait de match et que. Ah non, elle n'enlèvera pas, c'est sûr. Non, c'est quasi. C'est un match qu'il sera là pour les huitièmes et je pense qu'il sera là avec de la motivation, encore un peu plus de motivation. Mais en même temps, si on revient un peu sur ce carton rouge, notamment au niveau de l'arbitre Stéphane Lannoy. Arbitre français d'ailleurs, sur l'action quand même qui amène le carton rouge de Drogba, je pense qu'à peu près 9 arbitres sur 10 auraient mis la même sanction étant donné qu'il voit pas énormément l'action et il voit Kader au sol, donc il peut pas en juger, il y a absolument pas de vidéo dans le football. Je crois qu'Albertine, tu vois, t'as raison, on peut pas en vouloir à l'arbitre sur le carton rouge, à la limite on peut en vouloir un petit peu au juge de touche, qui aurait peut-être pu voir, mais c'est surtout à Kader Keïta qu'on peut en vouloir, parce que c'est vraiment, vraiment un geste vraiment complètement con, il n'y a pas d'autre terme. Après, ce qui est dommage, effectivement, c'est que Kaka est en rodage, il a besoin de jouer, il a fait une année très, très compliquée au Real, et un match de plus, ça lui aurait pas fait de mal, mais bon. Je pense que Kaka n'a pas à le toucher, devrait plutôt l'éviter, parce que 2 minutes avant, il se prend un carton jaune pour avoir poussé le même joueur, voir un autre joueur de la Côte d'Ivoire, et l'arbitre a senti que Kaka était quand même un petit peu, serait dans les mauvais coups, et dans la fin de match, c'était du n'importe quoi. À la fin, on se mettait des coups sur chaque action, et puis voilà. Donc, Kaka aurait dû peut-être essayer de passer son chemin. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il voit Kader Keïta arriver dans son dos, qu'il voit que c'est un joueur, mais peut-être pas forcément Kader Keïta, qu'il le pousse parce qu'il lui dit, ouais, je suis là, donc, tu peux aller autre part. Bah, Kader Keïta joue le coup, mais on a déjà vu ce genre de truc, hein. Je sais pas si vous vous rappelez France-Espagne en 2006. Le coup franc où on marque le deuxième but, c'est une belle simulation de Thierry Henry après un geste de Puyol juste sur son thorax, et Thierry Henry fait la même simulation, ça amène un but, c'est pareil. Donc tout le temps, c'est les dérives du foot et c'est sûr, limite, c'est limite devenu une catégorie du foot maintenant de faire la plus belle simulation et d'arriver à trouver les fautes et de faire déjouer l'adversaire plus que jouer soi-même. Par contre, un joueur comme Keïta, je pense, aura encore du mal à se remettre de ce genre d'images qui ont été vues par le monde entier, parce que déjà qu'il a pas super la côte dans sa façon de jouer, et notamment son côté ultra perso. Je crois qu'il a parachevé. Puis dans le match, il a failli tuer Michel Bastos, donc ouais. Il fait le grand chelem de la loose, hein, là, c'est... Mais au niveau de la performance globale de l'arbitre, là, Stéphane Lannoy, qui a été vachement décrié après le match, notamment sur des réseaux sociaux comme Twitter, tout le monde disait que de toute façon c'était comme les Bleus en ce moment, c'était n'importe quoi, qu'il devait même prendre le même avion que les Bleus quand il rentrait d'Afrique du Sud et que sa prestation était d'avis oublié. Enfin, vous, comment vous avez eu l'impression d'un arbitre totalement dépassé du début à la fin du match? Je crois qu'il a très bien joué le coup au début du match où il a pas sorti les cartons parce qu'il aurait pu tomber dans la spirale où je sors le carton dès qu'il y a une faute, dès qu'il y a un accrochage. Il prenait tout le temps les joueurs à part en disant bon, c'est fini, moi je vous ai vu, c'est terminé. Il est allé voir Luis Fabiano, il était pas sûr pour la main et de toute façon c'était dans une période où il allait avoir un deuxième but quoi qu'il arrive du Brésil. Et il a dit moi je t'ai vu, je crois que tu as fait une main. Luis Fabiano a dit non et en conférence de presse il a dit c'était une main de Dieu ou un truc comme ça. Donc, tu peux pas vraiment lui en vouloir. Après, sur la fin de match, c'est très difficile. Je pense que tous les arbitres, sauf peut-être des Boussaka ou Rossetti, s'en seraient très bien sortis parce qu'ils ont en même temps ce côté où ils font peur aux joueurs. Ils arrivent à se faire respecter. La noix est encore peut-être un petit peu trop tendre avec les joueurs. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, quand tu veux être un arbitre qui est sympa, qui est du dialogue avec les joueurs en profitent pour t'avoir sur un ou deux faits de jeu. Donc là, ça a été le cas. La Côte d'Ivoire a joué le pays persécuté, l'équipe qui n'arrive pas à jouer, et qu'en plus, le Brésil qui gagne 3-0, mais qui met des mains dans la tête des gens. Enfin, c'est très difficile, c'est des dérives. Et s'il n'y avait pas ces déviances-là, oui, l'arbitre aurait fait un super match. Et je pense qu'il a quand même fait un très bon match. Mais il n'aura pas d'autres matchs à faire, ça, c'est sûr. Il va repartir en France bientôt. Je crois qu'il a, moi je partage assez l'avis de Baptiste, il a fait un bon match, il a laissé pas mal jouer, ce qui est assez rare et qui est très bien parce que on a besoin, surtout dans cette Coupe du Monde fermée. Et ce qui est dommage, c'est qu'il va repartir avec la conclusion que la prochaine fois qu'il arbitre un gros match et qu'une des stars est un peu malmenée, il arrêtera le jeu, il lâchera le jeu et c'est pas ce qu'on souhaite pour le spectacle. Donc voilà, mais tout ça vient d'un joueur, Kader Keïta, parce que je crois pas du tout que les autres Ivoiriens étaient dans le même esprit, et malheureusement, cette action va faire que Lannoy n'arbitrera plus jamais pareil, et laissera sans doute moins jouer, ce qui sera dommage pour le spectacle, parce qu'à part ça, il a été, moi je trouve qu'il a été assez bon. Pour faire une dernière parenthèse sur le match, on attendait beaucoup de cette rencontre, parce que c'était peut-être la plus belle affiche de ce mondial. Avant, on avait été quand même déçus des chocs, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, malgré le fait que ça soit des matchs intéressants, mais on attendait beaucoup de buts, etc. Là, on a plutôt été bien servis, c'était un match agréable à regarder. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un choc qui vous a encore un peu laissé sur votre faim? C'est un choc qui a coupé court directement, parce que au début du match, encore les 15 premières minutes, encore une fois, bon, le match est assez équilibré, la Côte d'Ivoire peut prendre le dessus, et peut normalement, s'il y a là de quoi faire, marquer et prendre l'avantage, et le Brésil joue très bien le coup, accélère au moment où il commence à endormir enfin les Ivoiriens, et à partir de là c'était plus vraiment un choc, on a senti vraiment le décalage entre les deux formations, mais on attend toujours beaucoup de la Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'on dit que c'est un choc. Oublier que la Côte d'Ivoire, elle tombe toujours dans des groupes très durs et que même si elle s'en sort avec l'honneur à chaque fois, ça reste l'équipe qui se fait éliminer souvent. Donc on attend encore beaucoup de la Côte d'Ivoire, on en attendra encore, mais il y a tellement de potentiel dans cette équipe que c'est normal qu'on dise que c'est un choc. Maintenant, Brésil-Côte d'Ivoire, on l'aurait sorti, à mon avis, il y a 8 ans. Je crois qu'on aurait bien rigolé quand même. Bah, c'est vrai que voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. La Côte d'Ivoire, c'est quand même pas non plus une équipe très très très menaçante sur le point de vue international. Je crois qu'ils bénéficient un peu tous dans nos inconscients de Drogba, quoi, qui est quand même un des meilleurs attaquants du monde depuis cinq ans. Donc voilà, forcément, c'est tout de suite le gros choc, etc. Mais on voit qu'au niveau homogénéité de niveau, il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour les Ivoiriens. Et il y avait aussi justement cette pression du foot africain, parce que comme les résultats sont assez décevants, tout le monde y a cru un petit peu, et peut-être un petit peu trop. Et c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être ça qui a mis un petit peu les Ivoiriens à côté de leur pompe, à côté de leur match, c'est de pas finalement se rappeler qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Ce qui fait qu'ils ont joué, je le dis, sans savoir s'ils devaient gagner, faire match nul. Et je crois qu'il y avait rien de pire face à une équipe du Brésil qui justement attendait que ça, une équipe pas très structurée, qui sait pas trop ce qu'elle doit faire, et ça, ils n'ont pas fait de cadeau à cette équipe un peu à côté de ces crampons, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y aura peut-être aucune équipe africaine en 8e alors qu'on est sur leur continent, mais bon, c'est peut-être un peu dommage, on a surtout peut-être fait un peu trop en fait, on s'attendait peut-être à d'autres résultats, etc. Et c'est peut-être aussi le reflet, le fait qu'il n'y en ait aucune en 8e, de la différence de niveau qu'il peut y avoir entre... La seule équipe qui a impressionné en Afrique, c'est à la CAN, c'est l'Égypte. L'Égypte n'est pas là. Donc, à partir de là, tu peux te dire qu'on n'aura pas de super bons résultats. Maintenant, les gens ont voulu y croire parce qu'ils se sont dit on est sur le continent africain, donc ça va les faire changer, ça va les faire mieux jouer. Bah, les grandes équipes restent normalement les grandes équipes. Et encore là, on a des grandes équipes qui déjouent plus que, qu'elles jouent. Donc... Surtout les européennes. Voilà. Donc, c'est, je sais pas, c'est... Moi, je pense encore une fois qu'on met trop d'espoir dans les équipes africaines. Il faut être réaliste, regarder leur niveau et savoir qu'il y a encore un décalage entre les grandes équipes et les équipes africaines. On va terminer par un, des petits pronostics. Alors aujourd'hui, il y a donc le Portugal, la Corée du Nord. Pour vous, une victoire sans bavure du Portugal, qui d'ailleurs doit gagner s'il veut continuer à espérer se qualifier avec le Brésil. Moi, je pense que ça va être dur, mais je pense que le Portugal va gagner. 3-1. Ouais, je pense pareil, hein, je pense que ça va pas être facile. La Corée du Nord a rien à perdre, on l'a vu que, qu'elle jouera le coup jusqu'au bout. Et ouais, je vois une victoire du Portugal, mais on attend le Portugal parce que contre la Côte d'Ivoire, c'était pas très brillant, surtout devant. J'attends de voir. Moi aussi, je pronostique une victoire du Portugal. Alors après, on a Chili-Suisse. Le Chili, donc deux vainqueurs du groupe H. Pour l'instant, le Chili et la Suisse qui se rencontrent. Le Chili qui avait assez très bien joué, voire même contre l'Honduras. On avait été assez surpris par cette équipe. Et la Suisse qui avait réalisé le coup parfait face aux champions d'Europe en titre, les Espagnols. Là, je vois un match nul hein, parce que ça va être, à mon avis, le même schéma pour la Suisse. Ils vont bloquer derrière et essayer de marquer en contre. Le Chili va bien jouer. Peut-être pas au niveau de l'équipe d'Espagne, mais bien joué quand même. Donc, je vois bien un petit 0-0 ou un match 1-1, mais pas plus. Pas plus. Moi, je pense que le Chili va gagner. C'est pas à cause de mon pseudonyme Zamorano que je dis ça, mais non, je crois que le Chili a un dernier match pour l'Espagne qui repose tout un petit peu, donc ils vont essayer de se mettre à la jouer. Il y a un disque, même s'il y a des qualités, je crois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de réussite au premier match. Donc je verrais bien une victoire du Chili 1-0 ou 2-1. Et d'ailleurs, je pense que le Chili, s'ils gagnent, ils sont notamment qualifiés, non? Oui. Donc le dernier match, Espagne-Honduras. Donc là, l'Espagne qui doit complètement se relancer, parce qu'on avait été très surpris de leur défaite face à la Suisse. Mais bon, face à l'Honduras, qui a lui aussi perdu contre le Chili et qui a l'air d'être quand même le moins fort de ce groupe, une victoire nette de l'Espagne sur un gros score d'après vous? Je pense que ça va être enfin l'entrée en lice de l'Espagne, qui a à mon avis bien ressassé le match contre la Suisse, et maintenant ils sont à cran pour y aller et pour exploser, je pense, plus l'Honduras qu'autre chose. Oui, je rejoins Baptiste, je pense que là ce sera sans trop de difficultés pour l'Espagne, 2-3-0. Malheureusement, c'est déjà la fin du podcast. Alors, Eugène, merci. Je travaille à la création d'un nouveau média dailyfootshow.tv qui sera lancé à la rentrée. D'ailleurs, tu pourras revenir nous en parler à un moment avec sur plaisir. Ce podcast. Avec plaisir. Et merci, Baptiste, qu'on retrouve notamment demain. Ouais, demain. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne après-midi, notamment devant les matchs de foot dont on vient de vous donner les pronostics. Au revoir à tous et à demain pour un nouveau podcast. Celebration, it surrounds us.